voici un hors-série de la courte échelle. Votre instant d'évasion. La courte échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. Effectivement, voici à hors-série de la courte échelle. Soyez toutes et tous les bienvenus dans ce numéro. Les hors-séries de la courte échelle vous permettent de retrouver les artistes indépendants entendus dans les saisons précédentes de cette même émission qui, chaque semaine, vous propose les nouveautés de la scène indépendante internationale dans tous les styles et dans toutes les langues. Pour débuter ce nouveau hors-série, je vous propose de faire un bond en arrière et de retrouver Charlie Lou, l'overdose duo avec Couleur. Il y aura ensuite Marion Kroll, l'autrice, compositrice, interprète suisse. Nous avait envoyé elle aussi The Nameless Song, la chanson sans nom, juste à sa sortie. Et depuis, que ce soit Marion Kroll ou Charlie Lou, l'overdose duo, eh bien, ces artistes font leur petit bonhomme de chemin tranquille. Ce soir, c'est le fil rouge de mon histoire. J'aime la chic palette de couleurs, de nautique et différence de cœur. Broyé du noir est accablant, voiture rose de but en blanc. L'originalité le prouve, je lâche prise, je la trouve. La vie nous offre une chance de vivre nos différences. On y voit toutes les couleurs, c'est notre force, n'aie pas peur. La vie nous offre une chance de vivre nos différences. On y voit toutes les couleurs, c'est notre force, n'aie pas peur. Rouge ni rire jaune, le mouton noir détient la raison. Fleur bleue, je choisis le loup blanc. S'assumer est important. La vie nous offre une chance de vivre nos différences. On y voit toutes les couleurs, c'est notre force, n'aie pas peur. La vie nous offre une chance de vivre nos différences. On y voit toutes les couleurs, c'est notre force, n'aie pas peur. Je dis mon adieu aux nuits blanches. Tout peut-être plus pipaté, peut-être pour tu pâté. Je vivrai bien dans un beau monde où la grise mine ne tient pas une seconde. Noir et blanc ne suffisent pas pour exprimer cette douce joie. La vie nous offre une chance. Vivre nos différences, on y voit toutes les couleurs, c'est notre force, n'aie pas peur. La vie nous offre une chance de vivre nos différences, on y voit toutes les couleurs, c'est notre force, n'aie pas peur. La courte échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. Thank you. 18 juin 2021 qui est sorti l'album de Misery Vogue la galère et c'est donc dans la foulée que vous l'avez entendu dans la courte échelle. Sur mon corps, sur mon âme, je veux coûter aux ailes de tes rires et tes larmes. Vous écoutez un hors-série de la courte échelle. Sous les côtes de Sativa se profile des dunes. Elle saisit d'une main experte le mât de fortune. Vogue la galère, on prend le temps. La galère. vous souvenez sans doute pas de la sortie du titre de Zez et de ça, c'est normal, c'était dans la première saison de La Courte Échelle en octobre 2020. Les hors-séries de La Courte Échelle, à suivre. La Courte Échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. My Song is Naive, c'est l'occasion de retrouver Warlus et il y aura juste après Stéphane Paul avec Que dirais-tu ? Children crying under the sun. Maybe you're gonna think I'm a fool. Here you come again to kill and create pain. In your heart, there's no fear. Cool. You want to break us down, 'cause we know what you've done.

pas insensé et encore moins insatiable. Je ne suis pas irrité, mais un peu irritable. Laissez couler les informations. Débarrassez-vous de tout soupçon, car le doute, c'est manque de conviction. Je ne suis pas un menteur, un charlatan hypocrite, un arracheur de cœur, un don juan émérite. Je ne suis pas insensé et encore moins insatiable. Je ne suis pas irrité, mais un peu irritable. Série de la courte échelle. Juste le temps d'une autre chanson. T'es venu me voir la nuit dernière. T'as percé le soir de ta douce lumière. Descendue de ton nuage quelque part dans les cieux. Des étoiles dans les yeux. On a pris nos guitares, entamé nos vieux airs, ancrés dans nos mémoires comme s'ils étaient d'hier. Tout en haut, je m'endormais au son de ta voix. Quel bonheur de t'entendre une autre voix. Je donnerai s'achève, la nuit fait place au jour qui se lève. Ton corps s'éloigne, ton visage s'évapore. Tu repars dès qu'approche l'aurore. Comble mes nuits de ces tendres moments. Viens me voir de temps en temps, juste le temps d'une autre chanson. Le nouveau bébé de Christophe Ravé des Rolling Stones d'automne est sur le point de sortir. Le voici avec un extrait de son second album physique, A Plus Que Tout. La courte échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. Erreurs, oublier l'effroi, les douleurs, plus m'habiller dans ton humeur, ne plus dissimuler ma peur. Plus que deux semaines et je dénoue les chaînes qui me lient à ton joug, plus d'horizon. Plus rien du tout, et tes serments je les bafoue. Plus que tout, plus que tout, plus que tout, je vais retrouver l'innocence et mes idées. Plus que tout, je vais maquiller ton visage et ton image dans mes pensées. On ne présente plus non plus dans la courte échelle le groupe anglais Apollo Junction. Ils nous transmettent régulièrement leurs nouveautés. Voici Borderline. La courte échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. Everybody wants to know, but nobody wants to know. écoutez un hors-série de La Courte Échelle. Les artistes indépendants sont souvent dans plusieurs projets musicaux pour gagner leur vie. C'est le cas d'Antoine Colin qui est dans un duo avec une chanteuse, mais également dans un autre spectacle qui reprend les chansons de Georges Brassens et aussi dans le groupe Dot Nemo Innkeeper. La Courte Échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. Un autre projet intéressant, c'est celui proposé par Eric Fanino avec La Bonne Humeur. À faire la gueule, et j'ai bien vu que j'étais pas le seul.

Son album est sorti début juillet 2021. On l'a accueilli comme il se devait dans la courte échelle. Et je vous propose de terminer l'émission avec ce titre. Avez-vous le temps? Avez-vous le temps pour un petit café? La courte échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. On se retrouve très bientôt pour un nouveau hors-série de la courte échelle, mais aussi pour l'émission hebdomadaire. D'ici là, eh bien, soyez heureux. Dans mon cœur, comme il pleut sur la ville, il pleut dans ma vie comme il pleut sur Paris. Il pleut sur Paris. Instant d'évasion, la courte échelle, le rendez-vous des artistes indépendants.